Sac grise au check, mec. Ok. Ok. Ça fait. Là, je suis sur une vue. Je suis en paix. Et si un jour je me barre d'ici, c'est que je veux mourir en paix. J'ai l'âme en peine, ça m'a dépeiné. Et si je souris, c'est que tout va peiner. Que je sens tout le monde m'aimer. Putain, j'ai saigné, j'ai jamais cédé. Au début, je rappais au quartier. Un peu plus tard, je vends des CD. Du nord au sud, je vends mon soda. Je la mets en sourdine. Et la miche, je sais pas ce qu'elle a. Elle me fait la surdelle. Les schmitts me tapent à la vitre. Je fais un sursaut. Et si mon petit frangin se bat, sursaute. Quitte à faire du sursis, faut pas avoir les chocottes. J'oublie pas la famille et les frangins à Sarcelles. Tatata, je reviens choquer des tatas. Que de la patateuse, salope reste à terre. C'est le retour de Malamadré, mon ami. Sur la voie rapide, ça veut faire la course. Garde ma capuche, j'vais les trouer capiche. J'ai fait 8 ma biche, on n'a pas les mêmes poteaux. On n'a pas le même passé. On n'a pas les mêmes blèmes, donc on n'a pas le même cœur cassé. En survêt de la France, jeunesse à la dérive. Ça a fêté Halloween, j'en ai masqué sur le périph. J'ai fait des fautes, j'ai fait des photos. Tu me vois pas, c'est normal, je suis en mode de fantôme. Je fais mon réveil et même avant de me coucher, il me reste un chic dans le pochon, j'ai la flemme d'aller toucher. Je fais des hits, tu vas bouger, c'est t'adhères pas, c'est que t'es bouché. Fais pas le show, je vais te coucher, je vais t'en mettre une, tu vas loucher. Que ça rafale de toffe, je peux même plus me moucher. La vie m'a amoché, heureusement que j'ai empoché. J'ai tout schmitt que je fais du rap, moi, je suis pas dans les trafics. Je sais pas si je suis parano, s'il y avait des schmitt dans le trafic, hein. Je les ai trop fuck, ça fait l'électrochoc. La fille elle est trop chic, mais elle se cache en fumant le choc. En restant dans le check, elle connaît toutes les stories. Elle sait qui c'est le boss, elle connaît des choses horribles. Big up au gadji à la maf, y'a celles qui font pas les meufs. Pour les petits au visage d'ange qui peuvent te sortir un œuf. Tout le best, mais dis-moi qu'est-ce t'as. Un 3 micro, un de test, j'suis demeure best, child. J'regarde plus la télé, j'suis bloqué devant Pro Tools. J'fais cracher le bébé, sortir manger la peau douce. J'suis pas le numéro 1, moi, si tu veux, j'te laisse ma place, hein. N'oublie pas, frangin, t'as fait le signe, t'as bougé sur la classe, poteau. Reste toi-même, c'est comme ça que j't'apprécie. J'en ai vu avec des calibres alors qu'ils avaient le talent à Messi, hein. Heureusement ta langue, rien que tu te vantes. Moi, j'remonte la pente, toujours au top des ventes. Ces bâtards font des manies. Ils volent dans le sac à mamie, savent pas ce que c'est le mot ami. Perdu dans la cocaïne, je suis rappeur, je suis pas caïd. Je connais les perquis de la canine, je connais les valeurs de la famille. Je connais les voleurs du secteur, et connais ma tête inspecteur. Je me conseille depuis traîner la nuit. Si on m'attrape, c'est moi qui vais avoir des ennuis. C'est sous Guigui, haha, je suis en Didi, haha, j'écoute qui se dit, haha, rien de bon ici. Ouais, ouais, je vais m'en prendre un ADB, je vais pas finir. Au studio, je fais des TP, je reçois en photo des TT. C'est plus que c'était les frangins, je fais rupter le moteur vers étranger. C'est plus des gens, c'est des gens gênes, tu diras ses secrets à un étranger, hein. Ok. La vie me fume un petit feu, je suis dans un camp pas entre deux. Faut que je roule un pet entre deux, faut que je fasse gaffe à teuteu. Ok, ça fait. Non, la vie c'est pas GTA, un soir j'étais ivre dans le GTD. Je me demandais j'étais où, j'étais die. Mon gars tu me parlais à l'oreille et j'étais doux. Poteau tu m'as aidé, j't'ai aidé. Sur une bouteille de Coca-Cola on était 12. Une pour les frères en CD, jamais se dire que c'est dead. C'est dur putain de société, tous on en garde des séquelles. Faut se tailler aux Seychelles, mais pour Saint-Eve c'est cher. Et les cours ont séché, devant le métro les poteaux se séchaient. Que des embrouilles c'était chaud, ça ratait les cours, la maman ça fléchait. Dans le secteur on se faisait sécher, on se faisait la merde, on se pêchait. Je revois les années collège quand je regarde Freeze et Wari. Et les intros dans le quartier, putain qu'est-ce qu'on s'est marré. Maintenant quand on me voit on me dit, ouais, Jules, c'est quand tu te maries. Et tu vois pas, je suis perdu, regarde un peu sous. Maintenant j'évite les contrôles, capuché pour pas qu'on me trouve. Le poteau il te racontera tout ce que tu diras, pas le contraire. Genre même sur la country, et ouais, la con 2. Là je suis au studio posé avec mon péto, mon kitter country. Tu vas te faire charcler comme Béné en pleine soirée, comme dans les films. Oh les mains, fais le chinjoul, c'était du gang. Ça va faire bébé bang bang, cagoulé dans le merco de Ben. J'suis pas plus de balles comme Tifty. J'plais à Marseille, c'est ce qui se dit. J'vis dans le 13 depuis petit. N'écoute pas rumeur et critique. Il me fait le fou, c'est qui se dit. Dis-y stop avant que ça me chauffe et qu'on stoppe. Et que j'y salise son costume ou son costard. J'ai connu des galères à ne plus en voir le bout du tunnel. J'ai fait mes sous tout seul, on peut dire que je me suis auto-tuné. J'sais que j'étais fou, j'sais que j'étais fort. De voir tous mes potes à ma table, j'étais fier. Mais j'ai été déçu quand j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui étaient faux, hein. Marseille c'est là que je suis né, claque ma carrière elle démarre. Du sud j'entends des DA, prête-moi le cross, tout est mort. Et le taquet des képis qui prennent les guetteurs à coups de taquet. Et les tocos que tu vas passer, les petits avec les dents cassées. Ne dis plus que j'ai pas rappé, je vais te cabrer sur un crapaud. Et le jour où je vais t'attraper, tu vas sauter comme un crapaud. Boulette sur le canapé, c'était une folle, tu l'as encapé. Y'a de l'espoir dans la jeunesse, big up Mendy Mbappé. Merci la zone en direct. On est là ce soir ou pas? Personne, c'est la zone en personne.